Ils écrivent et en plus ils causent. Présenté par K00. Bonjour. Aujourd'hui, l'émission « Ils écrivent et en plus ils causent » vous présente Luc Doyel. Bonjour Luc. Vous allez nous présenter votre nouveau roman « C'est au pied du mur qu'on mange des merles ». Pouvez-vous nous en parler ? Le héros s'appelle Lucius. Un jour, il va rentrer dans son placard et en ressortir 15 ans plus tôt, se trouvant nez à nez avec lui-même. Ça va être le début d'une série de catastrophes qu'il va essayer de réparer tout au long du roman. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois qu'il essaiera de réparer une catastrophe, il en créera une nouvelle. C'est avant tout une comédie, un roman humoristique, une sorte de parodie des romans de Guillaume Musso ou de Marc Lévy avec le petit côté fantastique, mais qui n'est qu'un prétexte pour faire sourire ou rire le lecteur et l'entraîner dans des situations cocasses, légères, parfois un peu farfelues, surréalistes. Seriez-vous d'accord de nous lire un extrait pour nous faire découvrir votre texte ? Un extrait tiré du chapitre 7 qui se déroule dans un hôpital psychiatrique. La patiente la plus intéressante est Marcel. C'est aussi la plus gentille. Mon premier contact avec elle s'est soldé par une esquive in extremis de son pied gauche lancé en direction de mes attributs reproducteurs dans un mouvement circulaire que les karatékas nomment Mawashigeri. Depuis, nous nous entendons à merveille, ce qui m'a permis de travailler mes réflexes au fil des jours. Grâce à Marcel, j'ai pu cette année me qualifier pour le championnat de France de Kung-Fu. J'ai en effet abandonné provisoirement le judo, car la ville de Dole ne comporte aujourd'hui aucun habitant susceptible de m'apprendre le kata du troisième dan. Marcel pense que les faux époux turanges sont planqués aux églantines, bénéficiant de la complicité du docteur Livingstone. Par ailleurs, elle ne comprend pas pourquoi, lorsqu'elle allume sa radio, tous les speakers dégoient sur sa vie privée. Gilbert a proposé sa théorie. Les ondes cérébrales de Marcel seraient en phase avec la fréquence de RTL, d'où une fuite probable d'informations mettant en péril son intimité la plus profonde. Gilbert est l'intellectuel du service. Il dépense ses journées en conjectures sur les grands principes de l'astronomie et de la physique nucléaire. La semaine dernière, il a démontré que le barrage de Vouglan délivrait 18 gigawatts par heure, soit un milliardième de l'énergie émise par Alpha du Centaure en une seconde. Malheureusement, l'auditoire s'est montré soit peu convaincu, soit peu passionné par la performance de Gilbert, que ce soit dans les rangs des patients ou de l'équipe soignante. Seul le médecin-chef a montré quelque intérêt à l'affaire en octroyant à Gilbert 50 gouttes de butyxol supplémentaires, ce qui représente une belle récompense. Le butyxol est une merveille de la technologie occidentale, apte à foudroyer tout neurone récalcitrant. On l'emploie également comme herbicide dans les jardins potagers, ainsi que pour éliminer toute trace de rouille sur un vieux portail métallique. Comment peut-on se procurer votre livre ? On peut trouver mon roman un peu partout, au rayon frais de préférence, dans les rayons bio, parce que mon roman est issu de l'agriculture biologique. Il faut savoir aussi que Laura Mar, mon éditrice, pratique le commerce équitable. Donc dans tous les rayons étiquetés commerce équitable, vous pourrez le trouver. Sinon, bien entendu, les librairies. Si jamais votre libraire ne l'a pas, surtout vous l'engueulez d'une part et vous lui demandez de le commander. Autrement, la source la plus sûre, c'est quand même le site de mon éditrice. www.loramar.fr. Et puis, bien entendu, dans tous les points de vente, Amazon, Fnac, Virgin, etc. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours d'écrivain ? Mon parcours d'écrivain est très atypique. Je n'ai pas toujours été auteur, bien entendu. J'ai commencé comme gros mulot à l'opéra de Bratislava sous les aisselles. Gros mulot car il n'y avait plus de place chez les petits rats, donc je me suis rattrapé de cette façon. Ensuite, j'ai été derviche, tourneur, fraiseur à Plougastel. À Plougastel, j'ai été également crêpier flambeur au casino de Plougastel. Ça m'a valu quelques ennuis avec la pègre locale, donc je ne m'étendrai pas sur la question. Je suis ensuite devenu photographe et en gravissant la Napurna par la face nord des Grandes Jorasses. Un jour, je me suis retrouvé au sommet, au milieu d'une étendue de neige, et c'est là que je me suis écrié « C'est au pied du mur qu'on mange des merles », ce qui a donné le titre de ce roman qui vient d'être publié. Je terminerai en évoquant mon premier roman, qui s'intitule « Les liaisons presque dangereuses », paru chez les nouveaux auteurs en décembre 2007 et qui a rencontré un vif succès auprès des lecteurs. Merci Luc Doyel d'avoir participé à notre émission. Je rappelle le titre de votre roman, c'est « Au pied du mur qu'on mange des merles ». Au revoir à tous et à demain. Musique, slow relaxation, Alban le Psy, licence art libre.